problème. Si tu danses pour Jésus, il y aura la solution. Le Covid est lié, ce maladie n'a aussi là-haut. Où est yo maman? Où est-il papa? Yaka yaka oh. Dansons un peu. On y va. La langue Jésus. Aïe aïe aïe aïe, Zanangoli Kamboya Kizite. Aïe aïe aïe, Zanangoli Kamboya Kizite. Aninye, Yambolu, Yambolu, Molu na Zambeye. Pas vagues dans la terre, l'inalité, l'inalité, l'inalité, l'inalité, ale kita nase, soko kiti te suspect, ale kita, soko bini se suspect, ale bina, ale bina, bina, lelo na sosoli, yeso alingi inga ye, elike oyera sosoli, yeso alingi ye, pase bo de fa sosoli, yeso alingi ye, nana sosoli, yeso azama la mwe, Jonathan omba sosoli. Yes, I'm a bobo, Bina malembe, malembe, malembe. Bina malembe, malembe, malembe. Bina malembe, malembe, malembe. Bina malembe, malembe, malembe. Bina malembe, malembe, malembe. Bina malembe, malembe, malembe. C'est Imengo, mais ma biso, tous les camères rouges à sec. Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, Mose, vous ne les verrez plus jamais. Allez Luca, Luca, Luca quoi? Yabake Iko Luca, Yasuna Kunde, Bakutani na Mwanjaya, Alobina Bamba Basali Ko Luca, Motona Bomo Ikatina Bakufye, Marima Delende na Malata Yeye. Bana ma passa to lukate, yo so to luka, luka, luka, mbongo to lukate, luka. Yaba kei to luka, yesu na kunde, bakuta ni na mwanja ya, alobina bengo basali ko luka, boto na bomo ikati na bakufye. yeah. Wona musique nzambe mabine za la kate. Souvenez-vous du roi David. Avancez, papa, je suis malade. Toujours avancez. Kobinite 6P.